Quand Pierre reprend ses esprits, las de sabrer à tout va, il se souvient que son père l'attend et se presse vers la conciergerie. Craignant une réprimande, il cherche en vain une excuse quelconque, mais arrive avant d'en avoir trouvé une. Par chance, le père n'est pas seul. Il pérore devant quelques recrues au repos qui mordillent leur pipe. « Obéir !» répète-t-il comme une litanie. « Obéir !» Le soldat entier se ramène à ce mot. Le courage ? Quelle fadaise ! Sous le feu de l'ennemi, tout lâche en vous. On est tous également terrifiés, à moins d'être ivre ou fou. C'est l'obéissance qui fait le soldat, la victoire, l'obéissance obstinée. Quand ton corps même ne t'obéit plus, cette unique pensée à laquelle tu ramènes ton esprit égaré, obéir. Les jeunes soldats grommellent vaguement, gênés et contrariés. Le père se redresse sur sa chaise, empoigne sa béquille et se lève sur son unique jambe en manquant de glisser, rugissant soudain sous le nez des recrues. « Vous croyez peut-être que je ne sais pas de quoi je parle ?»« Écoutez donc, jeunes gens. » C'était au début des campagnes d'Italie, sous les ordres de Bonaparte lui-même. Le régiment n'avait pas 20 ans et semblait à peine sorti des jupes de sa mère. On nous avait déployés face aux troupes autrichiennes, en ligne de bataille, et les canons s'étaient mis à tonner un feu de Dieu qui nous paralysait d'effroi. L'ennemi était presque à portée de fusil quand l'ordre d'assaut a été donné. Aucun de nous n'a bougé. On n'osait pas se regarder, hypnotisé par le spectacle de l'ennemi si proche. Abruti par le canon, blancs comme des spectres, comme déjà vidés de notre sang. Certains tremblaient comme des feuilles, d'autres faisaient sous eux, mais tous étaient comme paralysés, incapables de mettre un pied devant l'autre et d'avancer. Bonaparte ne s'est pas démonté. Il a compris ce qui se passait, s'est glissé derrière la ligne sur son cheval et se serrant contre nous, il nous grondait gentiment et nous encourageait tout en manœuvrant sa monture pour qu'elle nous pousse de la croupe. Il savait que seul le premier pas coûtait. Après, c'était comme mécanique. On finissait par courir en hurlant. Et c'est bien ce que j'ai fait ce jour-là, et les autres après, jusqu'à ce que j'y laisse ma jambe. Mais croyez-moi, ce n'est pas trop cher payé pour une fierté pareille, pour de si glorieux souvenirs. On l'aurait suivi jusqu'au bout du monde, notre Bonaparte. Aujourd'hui encore, tout ce que j'ai est pour lui. Et si je ne peux plus me lever pour répondre à son appel, mon fils le fera pour moi. Pierre frissonne. Il considère longuement la silhouette incomplète de son père et n'y trouve, étrangement, pas le moindre caractère familier. Aurait-il sous les yeux quelque animal mythologique tiré d'un livre d'images qu'il ne lui semblerait pas plus monstrueux? Cette humanité dévorée, sacrifiée, et qui en redemande, et qui se fait gloire de l'entraîner avec elle, lui apparaît à présent comme une menace. Pierre frissonne encore. Il regarde son père, mais surtout, il espère ne pas en être vu.